En Corée, le complexe minier de Musan mobilise tous les effectifs dans la campagne de rétablissement des dégâts causés par les déluges pour ainsi remporter des succès tous les jours. Les ouvriers de la mine ont livré les travaux 24 sur 24 pour déblayer dans un court laps de temps le tas de terre et la boue de plus de 15 000 mètres cubes entassés à la sous-station et assurer de l'énergie pour la production. L'annexe de Trépont a réparé une cinquantaine d'installations endommagées pour la normalisation de la production, alors que l'entreprise de transporteurs des déblais a terminé la réparation de grandes installations, notamment moteurs et transformateurs. Les maisons d'habitation de plus de 900 foyers et les routes coupées par l'éboulement de terre sont réparées rapidement. On concentre les machines et les mains-d'œuvre au rétablissement de digues détruites et livre les travaux d'entassement de terre de plus de 100 000 mètres cubes.